vais y aller. Non, non, je vais y aller. En tout cas, merci. Vraiment, merci. Vous m'avez déjà beaucoup aidé par vos remarques, merci beaucoup. Ça va, tant mieux. Merci, je mets ça pour le timing, sur le temps. Bonsoir à tous. La particularité des conclusions, c'est les plus courtes sont les meilleures. Parce que toutes les choses intéressantes ont déjà été dites et je suis là uniquement pour les mettre en valeur. J'ai l'honneur de présider la Société française pour le droit de l'environnement et à ce titre, je rappelle à chacun d'entre vous que nous sommes très fiers d'avoir de nouveaux membres, adhérents, des jeunes qui sont en master ou en doctorat notamment. Nous avons à peu près 300 juristes en France mais aussi à l'étranger. Nous sommes très organisés pour faire de la coopération scientifique ou de la coopération tout court. La SFDE, c'est avant tout un lien intergénérationnel pour le droit de l'environnement. Et voilà. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes tout à fait les bienvenus. Et je voulais bien sûr remercier les organisatrices que maintenant on se connaît bien, Martha et Christelle Cournil, Martha Torrechaud, parce que ce réseau droit et changement climatique est tout à fait fondamental pour continuer des collaborations beaucoup plus pointues, très à la pointe des sujets. Et il me semble que c'est vraiment de ça dont on a besoin aujourd'hui, plus de collaboration et d'ambition. Et surtout pas se limiter dans les forces imaginantes du droit. Pour un petit clin d'œil. Donc voilà, alors les conclusions, quel droit, alors ça marche comment? Voilà. Et le sujet qui nous est donné est tout à fait particulier. Alors le sujet questionne et d'un côté la question qu'il pose c'est est-ce que il faut savoir ce qu'est le changement du droit, est-ce qu'il y a vraiment au contact de cette question complexe, transversale, globale, universelle, qu'est le changement climatique à l'échelle planétaire avec des impacts sur les changements climatiques. Donc changement du droit, point d'interrogation, ou droit du changement, et on verra que les intervenants ont beaucoup parlé du droit des changements aussi. Donc j'aurai une approche en deux parties. D'abord, le changement climatique provoquerait-il un changement du droit? Alors, dans sa fabrique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée du droit aujourd'hui pour faire face à cette question ambitieuse et qui impacte toutes les politiques publiques, les relations entre les acteurs, même la détermination des acteurs eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que devient la fabrique du droit face à ces enjeux climatiques? Est-ce qu'il y a une modification de la matérialité du droit? C'est des questions qui ont été abordées et beaucoup sous l'angle de la reconnexion des enjeux. Est-ce que on est capable de fabriquer un droit qui va faire de la reconnexion de tous les enjeux, puisque la transversalité de la question climatique implique cette reconnexion? Et troisième point de cette première partie, de la lecture à l'exercice climatique du droit, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut avoir une autre lecture du droit? Est-ce qu'on pratique le droit autrement? Et notamment devant les tribunaux, ce sont des aspects qui ont été abordés par les intervenants. Alors sur la fabrique du droit, on est bien sur les réflexions qui étaient déjà abordées précédemment, juste avant. J'ai mis un petit peu de manière provocatrice utilise vieux instruments pour nouvelles dynamiques parce que, oui, on fait bien du vieux avec du neuf et de toute façon, c'est incontournable. Nous n'avons pas changé tous les acteurs qui créent le droit, que ce soit au niveau international ou au niveau interne ou au niveau local. Donc, les acteurs, ils sont là avec peut-être des figures qui sont un peu plus floues, avec des positionnements qui sont différents les uns par rapport aux autres. Mais les acteurs, ils sont là, les États, les individus, les collectivités territoriales, le secteur privé, la société civile. Simplement, ce qui change et la perspective qui nous est donnée par les intervenants, c'est que leur positionnement les uns par rapport aux autres a changé. On a des combinaisons d'acteurs, hein, je reprends les termes qui sont utilisés. On a aussi quelque chose qui évidemment m'intéresse, c'est le rôle des sociétés savantes qui a été évoqué je crois par Christelle et qui est bien dans cette réflexion qu'on a eue avec la Société française pour le droit de l'environnement dans le colloque sur la doctrine. On voit l'impact de la doctrine dans les nouvelles règles applicables, comme typiquement le principe de non-régression du droit de l'environnement. On passait pour des fous ahuris, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, et c'est dans la loi de 2016. Alors, je ne vous dis pas sur le préjudice écologique, on était complètement à mettre à l'asile, et maintenant, c'est dans la loi. Donc, tout ça, effectivement, c'est très important de montrer que de nouveaux positionnements, de nouvelles idées émergent, et je pense à l'intervention de Gérard Monédière qui est venu à La Rochelle faire une présentation sur la démocratie environnementale et qui nous expliquait, parce que voilà, c'est ce que j'appelle, je disais que Michel Prieur est un vétéran des combats doctrinaux, je pense que Gérard Monédière l'est aussi, et il expliquait que au départ, quand le droit de l'environnement est né, il y a eu une sorte de phénomène de sidération. C'était tellement nouveau, tellement créatif, qu'en face, personne ne bronchait, et puis le droit de l'environnement a émergé comme ça. Et puis, et ben après, on a eu la réaction. C'est-à-dire que ben, le droit de l'environnement, c'est embêtant, il faut le simplifier, ça embête les projets, etc. Et donc, qu'est-ce qu'a inventé la doctrine ? Le principe de non-régression du droit de l'environnement. On a trouvé la parade à la parade. Donc, voilà. Alors, sur la question des acteurs, c'est vrai que c'est intéressant de ne pas se cantonner société civile, secteur privé, etc., mais d'intégrer cette dimension de la doctrine, d'acteurs qui sont peut-être moins visibles, mais qui, malgré tout, jouent un rôle dans cette fabrique du droit. Je pense que c'est, on a des exemples très importants et je vous invite à lire le prochain numéro de la revue juridique de l'environnement sur le sujet. Des droits qui sont pas, enfin, il a émergé aussi quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Je crois que c'est Adélie qui a parlé de droits transindividuels et donc même entre catégories d'acteurs, il y a d'autres positionnements qui apparaissent. Donc forcément, cette fabrique du droit est impliqué par cette diversité de positionnement des acteurs et c'était aussi toute la réflexion menée sur les entités étatiques et infra-étatiques. Alors comment se fabrique le droit aujourd'hui ? Est-ce que cette ambition d'un droit pour le changement climatique fait que on fabrique le droit autrement ? Alors il y a eu des questions sur les sources du droit. Notamment Catherine Fabrecoul, parce que j'ai intégré les débats aussi, bien sûr, qui étaient très riches, posait la question de la coutume. Est-ce que les règles coutumières sont intégrées dans cette fabrique du droit ? Oui, forcément. On a réfléchi sur, et ça a été évoqué par Sandrine Maljean Dubois aussi dans les débats, la règle du due diligence. Certaines sources du droit influencent les États, les comportements étatiques et même d'abord, d'ailleurs, infra-étatiques. Et ça, je veux dire, ça n'a pas changé en tant que tel. Il y a d'autres formes juridiques qui apparaissent, par contre. Et ça, c'est la subtilité qui nous a été évoquée aussi par Sandrine Maljean Dubois dans son intervention. Ne rien changer pour tout changer. Hein. C'est un petit peu ça, l'accord de Paris. C'est-à-dire, on a un traité, oui, bon, alors c'est un protocole qui ne dit pas son nom, d'accord, mais en même temps, il arrive parce qu'il doit le faire pour embarquer tout le monde dans le bateau. il arrive à faire des distinctions subtiles entre justement les pays, les États, en fonction des obligations. Entre, on a eu ce débat aussi, qu'est-ce qu'un pays développé, qu'est-ce qu'un pays en développement. Et c'est vrai que subtilement, l'accord de Paris module ses obligations en jouant sur les différentes catégories d'acteurs. Et on a une forme juridique intéressante, très bien expliquée par Sandrine, qui est, on a un accord contraignant, un accord au sens de traité, et puis on a une décision, et on ne peut pas lire l'un sans l'autre. Donc, on a mixé les instruments pour avoir cette modulation, cette souplesse du droit, et en même temps une certaine ambition. Donc ça, c'est on fabrique du droit différemment. Ça, ça a été très bien illustré à propos de l'accord de Paris avec un petit A qui comprend l'accord avec un grand A et la décision. Et puis, est-ce qu'il y a de nouvelles procédures pour créer du droit ? Il y a plusieurs procédures qui ont été évoquées, le dialogue de facilitation, le calendrier commun, comment arriver à se rencontrer pour élaborer des règles, plus ou moins souples ou dures. Et puis ce processus toujours de négociation permanente qui fait que, oui, parce que les questions climatiques réclament sans arrêt une évolution de nos comportements et de nos ambitions, il faut garder le contact, si je puis dire, et nous avons des processus de négociation quasi permanents. Des questions aussi sur la méthodologie, qui rejoignent d'ailleurs beaucoup les questions doctrinales. La méthodologie, c'est aussi un lien avec le positionnement des acteurs. Quelle méthodologie faut-il créer ou utiliser pour avoir un droit adapté ? Là, j'ai pas eu de réponse parce que les intervenants sont passés très vite sur cette question qui, évidemment, est très, très intéressante. Et puis, je vais chausser, comme l'a fait, j'espère, pas aussi bien, mais Claire, Joachim, les lunettes du droit comparé. Et c'est vrai qu'on a eu aussi d'autres intervenants venus du Canada notamment qui nous ont permis d'aller plus loin et d'avoir une plus grande vue à travers ces lunettes. Donc, chausser les lunettes de droit comparé, c'est toujours intéressant parce que on fait un voyage dans les traditions juridiques et ça nous montre qu'on crée du droit différemment en fonction de sa culture juridique, avec du droit plus ou moins soft parce que le rapport au droit n'est pas le même. Et peut-être de cette diversité de cultures juridiques, il y a eu des travaux d'ailleurs antérieurs, je pense à la Société française pour le droit international notamment, mais de cette diversité de cultures juridiques, on peut réinventer, repenser la fabrique du droit dans une diversité d'actions pour faire face au changement climatique. Et puis, toujours dans cette fabrique du droit, le droit ne se fabrique plus aux mêmes endroits. On va parler des nouveaux lieux de fabrique du droit, la territorialisation des initiatives, les réseaux, très bien mis en perspective par Géraud, et puis le paysage transgouvernemental qu'il évoque, et le contexte transrégional qui est évoqué aussi dans les débats par Yann Kerbra. Donc on a des nouveaux lieux de création du droit, de foyers, déplacement des foyers de création, évoque Martha notamment, et je crois que c'est important de considérer que les lieux de création du droit évoluent en même temps que nos ambitions vis-à-vis de ce droit. Évidemment, la question de la temporalité, on crée du droit pas de la même façon, pas dans les mêmes lieux et pas avec les mêmes personnes, mais on les crée sur des pas de temps qui évoluent, qui s'adaptent aussi. Et c'est ce qu'a très bien expliqué Marion Lemoine dans son intervention. Donc, qui fabrique le droit ? On voit que ça peut être des combinaisons d'acteurs, des articulations, d'autres positionnements d'acteurs. Comment on le fabrique dans des lieux différents, avec des procédures différentes. Qu'est-ce qu'on fabrique ? Est-ce que les objectifs du droit sont les mêmes ? Quel type de droit on fabrique ? Là, je n'ai pas trouvé vraiment de remise en question de ce qu'est finalement l'essence du droit. L'essence du droit, c'est de s'adapter. L'essence du droit, c'est de prévoir un projet de société. Et je ne vois pas en quoi, et je ne crois pas que ça a été évoqué par les intervenants, tout d'un coup, on modifierait ce qu'est l'essence du droit. Non. Il y a un droit qui doit donner de la prévisibilité, bien sûr, ça a été évoqué par Delmas Marty, Mireille Delmas Marty, la question de la pérennité des régimes juridiques, de la solidification des règles, de la sécurité juridique, de toutes ces perspectives-là, les mécanismes essentiels du droit sont déjà là et il ne me semble pas qu'ils ont été d'une manière ou d'une autre remis en question. La matérialité du droit, est-ce qu'elle a changé? Est-ce que cet impact de l'ambition climatique modifie le contenu des règles? Est-ce qu'il y a des nouveaux principes, des nouveaux instruments? Alors on a parlé du principe de progression, de la dynamique temporelle, des bilans périodiques, donc toujours cette idée de processus et de temporalité est évoquée, principe de transparence aussi, très important, le rapport à l'expertise qui mériterait des développements en soi, le principe de précaution qui serait, si j'ai bien compris, comme l'a évoqué Yann Kerbra dans les débats, on passe d'être reconnu en tant que règle coutumière, je ne suis pas sûre que tout le monde serait de cet avis, mais en tout cas ça donne des perspectives. Et cette matérialité du droit, il semble que ça évolue en termes de reconnexion des enjeux. Je crois que ça apparaît dans un certain nombre d'interventions qui évoquent la revitalisation de la cohérence du droit, donc toujours cette idée de transversalité. La démonstration, par l'exemple, nous est donnée avec le concept de nature ordinaire qui est présenté par Aline Treillard, qui explique comment les branches du droit interagissent les unes par rapport aux autres, entre droit de la biodiversité, droit régime climatique, droit applicable aux questions climatiques, et comment finalement on arrive à interconnecter à partir des enjeux climatiques des questions juridiques qui au final sont transversales et s'alimentent les unes les autres. Alors, on le sait très bien, mais je crois qu'Aline l'a très bien expliqué, on a effectivement une sorte d'écrasement des questions climatiques par rapport aux questions de la diversité biologique. On le vit très quotidiennement, et j'étais encore au conseil d'administration de l'UICN et ils en parlaient encore. Pour vendre maintenant la question de la diversité biologique, c'est tout juste, il ne faut pas aborder le climat d'abord. Hein. Alors, pourtant, c'est vrai que les deux branches du droit se nourrissent, s'interpellent et permettent d'avancer sur des concepts, des mécanismes juridiques. L'exemple qui nous est fourni aussi par Philippe Billet avec les peuples suiveurs de troupeaux, l'exemple des SAM, illustre aussi le fait que les réalités climatiques vont impacter la nature des droits. Est-ce que c'est un droit de passage? Est-ce que ce droit de passage est territorialisé, pas territorialisé? Et donc là aussi, il faut aller plus loin dans un droit ambitieux et adapté au changement climatique. Et je pense que Philippe Billet a bien illustré tout ça. Troisième point de cette première partie, de la lecture à l'exercice climatique du droit. Ça a été exprimé par plusieurs intervenants, la question de la mobilisation de toutes les branches du droit. Et comme président de la Société française pour le droit de l'environnement, m'arrive souvent de dire et de rappeler que le droit de l'environnement, c'est du droit civil, c'est du droit constitutionnel, c'est du droit commercial, c'est du droit administratif. Quelle autre branche du droit est aussi transversale à toutes les autres branches du droit ? Quel autre droit s'intéresse aussi bien aux humains qu'aux non-humains? Comment peut-on dire que le droit de l'environnement est cloisonné alors qu'il est ouvert par nature à toutes les autres disciplines? La philosophie, l'anthropologie, la biologie, l'économie. Le droit de l'environnement, par nature, est transversal et ça nous a été rappelé de manière éclatante par tous les intervenants ici. Il faut mobiliser toutes les branches du droit. On a beaucoup parlé du droit constitutionnel parce qu'il y a eu une réactivation des droits constitutionnels et ça a été exprimé, je crois, par Christian Huglot au cours de nos travaux. Aussi, dans la mobilisation et dans cette nouvelle lecture et exercice climatique des droits, les stratégies des acteurs, les stratégies contentieuses des victimes, les nouveaux argumentaires qui sont déployés et qui ont été présentés par Christelle Cournil notamment, mais aussi par d'autres, la question de la responsabilité climatique internationale des États, présentée par Sabine Laborel, est très importante. Pas de responsabilité rétroactive, oui, mais les mécanismes juridiques sont là, des mécanismes de responsabilité qu'on peut réinterpréter, déployer pour mettre en avant un droit transgénérationnel et mettre en perspective une responsabilité internationale, que ce soit des États d'ailleurs ou du secteur privé, des entreprises. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans ce colloque. Mais c'est un point aussi important. Alors, de nouveau contentieux, entre échec et réussite, quels espoirs ? Oui, alors, Christelle nous fait une typologie des recours. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quels instruments on peut mobiliser ? Selon les systèmes de droit, ça ne va pas être tout à fait la même chose. Je crois qu'effectivement, on voit qu'il y a une pression de la société civile qui s'exerce par ces contentieux climatiques. On a évoqué par exemple la Commission interaméricaine des droits de l'homme qui a pu avoir des positions innovantes alors qu'elle n'était pas forcément très bien outillée au départ pour le faire, et puis ça a été le cas évidemment de la CEDH aussi. Troisième point dans cet exercice climatique du droit, en dehors du contentieux et dans le contentieux plutôt qu'en dehors, la question du dialogue des juges est importante. C'était exprimé par l'effet boule de neige qu'a évoqué Christian Huglot, c'est-à-dire qu'il y a des influences entre les jurisprudences. Ça a toujours existé, ça existe pas mal, déjà depuis un moment, pas que dans le secteur de l'environnement, pas que dans le secteur du climat. Mais là, c'est vrai que ça nous a été exprimé par Christelle Cournil, et ces nouvelles collaborations entre les acteurs nourrissent d'autres possibilités d'action et réveillent aussi peut-être le dialogue des juges de manière novatrice. Alors, est-ce qu'on a la naissance d'un flexi-droit, comme il semble que nous le dise Marion Lemoine ? Souplesse et adaptabilité, je crois qu'il faut s'attacher aux réflexions présentées par Mireille Delmas-Marty quand elle évoque la complexité. C'est pas tellement le contexte, on parle beaucoup de simplification, mais peut-être pour simplifier, il faut d'abord s'attacher à comprendre la complexité du sujet. Et ce qui a été exprimé lors de ce colloque, c'est une souplesse, une adaptabilité des mécanismes, des principes, des concepts juridiques pour faire face à une situation très particulière, à des enjeux d'ampleur inédite. Le droit effectivement se réinvente, mais dans ce qu'il est au fond de manière essentielle, c'est-à-dire un droit capable de projeter la société dans le projet qu'elle se donne. Peu importe qu'il s'agisse d'un flexi-droit ou pas, le droit en tant que tel est impacté, mais c'est sa vocation de réagir. Donc, est-ce qu'on va vers une autre discipline juridique, comme l'évoque Emnet Guébré ? Est-ce que on va vers d'autres modèles juridiques ou vers des processus transformateurs ? Peut-être tout ça en même temps, c'est ce qu'on va voir un petit peu dans cette deuxième partie. Un droit du changement, est-ce que l'on a créé un droit pour le climat ? Un droit pour le climat. Alors, dans un premier temps, on a un droit du changement, mais on va voir en fait qu'on a un droit des changements. Et puis, dans un deuxième temps, on verra un droit du changement climatique réinventé. Et ça a été les instruments qui nous ont été présentés avec notamment Adélie Pommade et notre collègue venu de... J'allais dire de Montréal, mais il n'est pas venu de Montréal, il est venu de l'université Laval. Donc Christophe Krolik. Donc, droit du changement ou des changements, Le fait est que maintenant, il faut un droit capable de prendre en considération toutes les transformations environnementales, économiques, sociales, culturelles. Et l'exemple tout à fait intéressant qui nous est donné justement par Christophe Krolik, c'est celui de la transformation énergétique, qui est une question cruciale. Alors, je crois qu'il y a un intervenant qui a évoqué aussi la loi sur la transition énergétique française, c'est la première, enfin une des rares fois où j'entends que la France est leader dans quelque chose en matière d'environnement, mais voilà, bon, tant mieux, hein, c'est bien. C'est pas toujours le cas. Cette loi, nous l'avons suivie. Je crois qu'on peut aussi en avoir une approche très très critique, parce que plusieurs dimensions n'ont pas été abordées. Mais effectivement, on a un droit tourné vers les transformations, et pas que les transformations économiques, pas que les transformations sous l'angle de l'environnement, mais aussi des transformations sociales et culturelles. On a aussi un droit de la mobilité, le droit de la circulation, droit de la migration. Il y a des interventions sur les déplacés environnementaux. Alors, est-ce qu'il faut un statut particulier? Est-ce qu'il faut se cacher derrière la question des réfugiés climatiques qui sont repris beaucoup dans les médias? Quoi qu'il en soit, le droit de la mobilité a été mis en avant par certains intervenants de manière complètement différente. Le droit de la circulation, c'est l'intervention de Philippe Billet, notamment, qui montre qu'il faut faire évoluer la nature des droits pour tenir compte des changements climatiques. Donc on a un droit recomposé par rapport à des activités, et du coup, et c'est logique, hein, le droit est fait pour ça, il se recompose, il se réinvente lui aussi. Un droit du changement climatique réinventé, est-ce qu'on a de nouveaux instruments qui apparaissent? Et là, ce sont les exposés qui évoquent les règles concernant les droits d'émission, le mécanisme propre du développement durable. J'avoue que je n'avais pas très bien compris la distinction. Il faut, je dois dire, tout le talent de Marianne Molinder-Dubos pour nous expliquer tout ça. Oui, c'est un mécanisme de marché, mais il est différent. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il permet quand même des échanges sud-sud, ce qui n'était pas possible avec le MDP précédemment. Donc on a, là encore, on fait du neuf avec du vieux. On a essayé de pas avoir les inconvénients du mécanisme précédent et de rester dans la logique de l'accord de Paris. Et puis le test climat. Alors c'est vrai que là, on a été très intéressés par cette présentation. Est-ce que c'est plus intéressant que l'évaluation, l'étude d'impact environnemental? Est-ce que ça peut s'articuler avec d'autres instruments? Ça ouvre des perspectives intéressantes. Ça a été d'ailleurs aussi les débats avec Christelle Cournil qui disait, mais alors finalement, est-ce que ça pourrait permettre d'anticiper certains conflits en amont? C'est vrai qu'on a envie de creuser ce test climat pour savoir s'il pourrait s'appliquer en France notamment ou ailleurs. Et puis on a les instruments classiques. La planification climatique, c'est une version, une certaine interprétation et mobilisation d'instruments qu'on connaît bien, la planification, et qui nous ont été d'ailleurs très très bien expliqués, la dimension programmatique et spatialisée de ces instruments de planification, avec le SRADET, la nouvelle organisation territoriale, avec les écueils de la mise en œuvre qui nous ont été exposés. Et c'est là où on voit que ces nouveaux instruments, enfin, ces instruments réinventés ou réadaptés, pour le coup, ils n'ont pas été testés encore vraiment. Là, je pense notamment aux dernières réflexions qu'on a eues dans l'avis justice climatique du Conseil économique, social et environnemental sur la question de la santé. Le Premier ministre a répondu pratiquement uniquement le 15 mars sur les aspects schéma santé, sur un des volets de planification notamment. mais pas beaucoup sur ces questions de planification territoriale qui sont évoquées ici. Il faut non seulement réinventer les instruments, mais repenser tout ce qui permet leur mise en œuvre, leur effectivité, et ça a été évoqué à plusieurs reprises. Conclusion de la conclusion, pour ne pas complètement vous assommer, il semble que on a un changement de logique d'élaboration du droit, parce que on a des acteurs qui se comportent différemment. Et pourquoi ils se comportent différemment? Parce qu'ils sont obligés de se comporter différemment. Parce que la société civile n'est pas organisée de la même façon. Les réseaux sociaux, l'impact du numérique, c'est important. Le temps politique pèse, ça a été évoqué dans les débats, bien sûr. Mais ça a été bien exprimé, je trouve, dans l'exposé de Martha Torre-Chaube, cette question des logiques. Mais le droit a sa propre logique qui doit évoluer en fonction des intérêts et des positionnements des acteurs. Le droit ne peut plus s'élaborer de la même façon. La dimension universelle du changement climatique implique de le faire différemment, et c'est exactement l'expérience qu'on a avec l'accord de Paris. D'où cette distinction subtile entre toutes les catégories d'acteurs. Mais surtout, derrière tout ça, il y a une recherche de sens. Là encore, Christian Huglot parle de faire monter le droit par l'éthique. Là aussi, je pense que ça rejoint beaucoup les propos de Martha Torre-Chaube. Faire monter le droit par l'éthique, c'est finalement, les changements climatiques nous questionnent sur, et de manière très frontale et brutale, sur le projet de société que nous sommes en train de construire. Et ce projet de société, il va se construire sur des valeurs. Sur des valeurs de solidarité autant que possible, hein, d'où une certaine remise en question de la logique économique néolibérale, même si ça n'a pas été présenté aussi clairement par les interventions. Comment créer un autre droit, un droit pour le climat, et donc au final un droit pour la société, qu'elle soit internationale, nationale, que ce soit pour les peuples, pour les individus, pour les générations présentes ou pour les générations futures, un droit plus audacieux, a dit Christian Huglot. Des modèles de justice, il a évoqué le tribunal Monsanto avec des vrais juges, mais qui nous donnent une autre vision de ce que pourrait être la justice appliquée à des questions environnementales. Donc on a une création normative dynamisée, pour reprendre des termes, je crois, utilisés par Christelle, une création normative dynamisée, je crois que c'est plutôt d'ailleurs Sandrine qui a évoqué ça, et les caractéristiques d'un droit pour le climat, si j'ai bien compris les intervenants, c'est d'abord d'avoir une dimension universelle, inter- et transgénérationnelle, qui concerne les humains et les non-humains, mais aussi les liens entre les humains et les non-humains, bien sûr. Et les processus naturels, un droit de solidarité tourné vers la redistribution, vers l'éthique, vers une construction des transitions, vers la justice sociale, vers de nouvelles dynamiques pour accompagner vers ce droit du climat audacieux dont on a parlé, et un droit qui est capable de repenser les solidarités écologiques qui doit se traduire sur le plan juridique. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Martha, tu veux prendre le mot de la fin ? D'abord, peut-être remercier le public. Hein, oui. Il est très actif. Avec les questions, bien sûr, tous les intervenants et les présidents des salles. Je laisse Martha dire un dernier. Je pense qu'on a tous très envie de conclure. Je vous remercie tous beaucoup. Ça a été un colloque absolument formidable qui a dépassé toutes nos attentes. Maintenant, on va faire la publication et si les enregistrements sont bons, il y aura peut-être aussi les débats. On va va voir en tous les cas. Merci. Merci à tous et au prochain rendez-vous du réseau Droit et Changement Climatique pour continuer à réfléchir tous ensemble. J'en profite juste pour vous signaler, j'ai mis la page web du site ici. Donc pour ceux qui ne sont pas inscrits, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc il y a le réseau et comment s'inscrire sur la page web. Et j'espère peut-être que les transparents et les intervenants.